Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Direction Saint-Sauveur ou la Maison de la Forêt célèbre ses 10 ans, notamment à l'occasion de la Fête du Bois qui va se dérouler le samedi 26 juillet. Ce sera de 10h à 17h et pour nous en parler, nous avons au téléphone Laurie Anouk-Lapierre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de la Maison de la Forêt. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, malgré que cela fait déjà 10 ans que ça existe, vous pouvez nous présenter un peu sa mission et qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Oui, bien sûr. Donc, la Maison de la Forêt se situe en Meurthe-et-Moselle, spécifiquement à Saint-Sauveur, dans le Piémont vosgien. Et puis, nous sommes en fait une structure qui fait office de tourisme, donc pour le pays du Lunévillois. Et puis, d'un autre côté, qui propose une programmation annuelle d'animation, de concerts, de conférences, un petit peu de tout, qui concerne majoritairement la nature, mais on fait aussi un petit peu de culture. Nous sommes ouverts d'avril, en fait, jusqu'à la fin octobre. Et puis, nous faisons aussi de l'accueil de scolaires, de la location de véhicules à assistance électrique. Nous sommes le point de départ de plusieurs sentiers de randonnée. Donc, un petit peu de tout pour tout le monde, pour tous les âges. Et là, un temps fort de cet été 2025, c'est bien sûr la Fête du Bois, donc le 26 juillet. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre sur place? Notre Fête du Bois, la célébration des 10 ans de la Maison de la Forêt, cette année, on se concentre, disons, sur les vieux métiers, sur des trucs un petit peu plus exceptionnels que ce qu'on a l'habitude de montrer, bien qu'on fasse un petit peu de tout. Mais cette année, on a contacté une association, les Atatos, donc une association vosgienne, pour nous montrer les vieux métiers, spécifiquement du chlitage et du sillage de long. On aura aussi la chance de voir du débardage avec des bovins, en plus d'accueillir de nombreux artisans du bois, mais aussi de vieux métiers, par exemple un ferronnier, un cordier, un tourneur sur bois, un sculpteur. Et évidemment, avec tout ça, on propose une buvette, une restauration, de la musique, de la danse traditionnelle aussi, spécifiquement. Bon, alors, on va revenir sur le chlitage pour les personnes qui habitent la région et connaissent déjà un peu, mais pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, pourtant c'est assez impressionnant à voir. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Le chlitage, c'est le fait de descendre en fait du bois sur la chlite, qui est un peu comme un traîneau. C'est à même le sol, un peu comme sur des rails qu'on appelle des raftons. En fait, c'était amené par le chliteur pour descendre du bois de la montagne. Il y aura aussi, donc vous l'avez dit, de quoi se restaurer sur place. Il y aura des expositions, des stands? Oui, tout à fait. Donc les stands, bien sûr, des artisans, stands de l'ONF aussi. Et puis on a une exposition en ce moment de photographie de Monsieur Joël Couchouron. Une exposition qui est en intérieur et en extérieur. Donc ce sera le samedi 26 juillet de 10h à 17h. On peut retrouver les infos, il y a un site internet de la Maison de la Forêt ? Oui, le plus simple c'est d'aller sur notre page Facebook Maison de la Forêt 54. Sinon, les informations se retrouvent aussi sur notre site web maisondelaforêt-piemontvosgien.com.